l'histoire. Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Anis Postel-Vinet, née Girard et résistante, elle a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était encore mineure, elle n'avait pas 20 ans. En août 1942, la voici arrêtée, emprisonnée, puis déportée à Ravensbrück, en Allemagne. À ses côtés, deux grandes figures de la résistance, l'ethnologue Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioze, nièce du général. Anis Postel-Vinet est résistante. Elle vient de nous quitter le 24 mai 2020 à l'âge de 97 ans. Mais en plus de sa lutte pendant la guerre et de la déportation, Anis Postel-Vinet a été résistante car elle a livré son témoignage. Et il est difficile d'imaginer à quel point cela peut être douloureux d'évoquer un tel passé, un tel vécu. Il y a quelques années, en 2015, Anis Postel-Vinet faisait paraître un livre d'entretien avec Laure Adler, « Vivre », un témoignage sur la déportation. À cette occasion, Amélie Perrault de France Culture lui a rendu visite afin d'enregistrer quelques mots pour un reportage. Nous étions le 7 mai 2015, à la veille des 70 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et au moment où Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioze allaient entrer au Panthéon. Ces quelques mots sont devenus un long entretien qui n'a jamais été diffusé. Anis Postel-Vinet vient de mourir et Amélie Perrault m'a demandé de diffuser ce trésor qu'elle conservait précieusement, document de mémoire, document d'histoire, d'émotion aussi. Je l'en remercie vivement. Voici donc dans le cours de l'histoire Anis Postel-Vinet au micro d'Amélie Perrault. Bonjour Anis Postel-Vinet et merci beaucoup de bien vouloir nous recevoir chez vous, ici à Paris. En lisant votre livre, Vivre, on a le sentiment qu'à 18 ans, vous étiez très jeune en 1940, on a le sentiment que le fait de vous engager, c'était pour vous une évidence. Est-ce que c'était le cas ? C'était pas raisonné. Comment ça ? Parce qu'on me demande quelquefois, avec un mot que je déteste, quelles étaient mes motivations. Il n'y avait pas de motivation. On n'allait pas se mettre à réfléchir avec un papier et un crayon, non. C'était comme ça. C'est un instinct. Ça n'a pas été quelque chose de conscient, presque? Si, c'était très conscient aussi. Mais surtout, à 18 ans, je n'avais pas de connaissances. Pas beaucoup de connaissances, mais quand même, un peu. Parce que, par exemple, j'ai d'ailleurs pas très bien su comment, mais ma mère, dans les années, à partir de 1933, dès la prise de pouvoir des Hitlériens, elle avait su ce qui se passait en Allemagne. Et comme elle était chrétienne, c'était pour elle extrêmement grave, parce que c'était tout à fait la négation des valeurs auxquelles elle croyait et auxquelles tout le monde adhérait, pratiquement. Et je ne sais pas d'où ces gens venaient, mais elle avait accueilli chez nous des réfugiés, déjà très tôt, des catholiques et des juifs, et qu'elle aidait de son mieux, si bien que au fond, ma sœur et moi, parce que j'avais une sœur qui avait le même âge que moi et on parlait beaucoup, et on savait au fond, vers 12-13 ans déjà, le nom de Dachau, par exemple, nous était familier. Parce que, bon, on en avait entendu parler et nous avions vu ces réfugiés et leurs regards terrifiés. On était petites, mais on s'en souvient. On s'en souvenait, voilà. Est-ce que c'est par ce contexte familial que vous avez pu, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais entrer en résistance ? Oui, mais d'ailleurs, je vous signale qu'à l'époque, on voulait absolument faire quelque chose contre l'occupant, c'est évident, mais ça ne s'appelait pas du tout entrer en résistance, parce que moi, j'aime pas beaucoup cette formule, parce qu'on dirait qu'on entre en religion. Non, on n'entrait pas du tout en religion. On cherchait quelque chose d'actif et d'efficace. Mais on savait d'ailleurs même pas quoi, ni avec qui, ni comment, ni etc. Mais on sentait qu'on pouvait pas accepter cette occupation non seulement allemande, mais nazie. Si vous n'aimez pas le terme « entrer en résistance », comment est-ce que vous vous définiriez ce que vous faisiez à cette époque-là ? Mais vous savez, c'était tout simple. On cherchait à faire quelque chose, entre guillemets, et ou bien on trouvait un groupe qui travaillait un peu sérieusement, ou bien on ne trouvait pas, c'était très difficile, parce que on avait quoi comme matériel ? On avait quelques tracts. Mais il est évidemment que sur les tracts, il n'y avait pas l'adresse des auteurs des tracts. Donc on n'arrivait pas à remonter les filières et c'était très difficile. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, j'avais plutôt l'idée d'aller en Angleterre en me disant, là, les Anglais sont plus modernes que les Français, on va pouvoir entrer dans l'armée, je pensais, j'imaginais. Et maman m'avait dit, moi, j'aime bien que tu partes, mais pas toute seule. Trouve-toi une amie et partez à deux. Mais justement, ça a été une très grande déception pour moi, mais j'ai pas trouvé ni de camarades de lycée, ni de camarades scouts, parce que je faisais partie des éclaireuses de France. Et je n'ai trouvé personne. Et ça a été mon premier apprentissage de la lâcheté des gens. Très dominante dans une société, d'après ma longue expérience. Comment est-ce que vous avez fini par trouver un groupe ou un mouvement à rejoindre ? Eh bien, en fait, c'est par ma mère. Ma mère était alsacienne. Elle n'aimait pas les Allemands, mais elle haïssait les nazis. Elle s'était informée et elle savait bien que le nazisme, c'était l'envers de la civilisation et notamment l'envers du christianisme. Et elle voyait avec quelle facilité le nazisme pouvait gagner les foules. Et c'était ça aussi qui était très inquiétant. Et là, je ne sais pas, au fond, on n'en a jamais reparlé. Je ne sais pas exactement qui lui envoyait ces réfugiés. C'est vrai qu'elle s'intéressait beaucoup à pas vraiment à la religion, la théologie, mais quand même à la philosophie religieuse. Il avait peut-être trouvé ça aussi dans des livres ou dans des revues, mais au fond, on n'en a jamais reparlé. Et je me rappelle que parmi ces réfugiés, il y a eu par exemple le musicien Joseph Kosma, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et sa femme, qui sont arrivés ici sans rien absolument. Alors, pour leur faire un peu d'argent, je me rappelle que la pauvre Madame Cosma nous donnait des leçons de piano. On n'était pas très doués, il faut dire, mais... Donc, vous voyez, ça, c'est très concret comme souvenir. Et vous, plus particulièrement, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées ? En quoi est-ce que ça consistait ? Eh bien, d'abord, je n'ai pas répondu à votre question précédente. C'est donc ma mère qui demandait, qui essayait. Il fallait tâter le terrain parce que les gens étaient en majorité pétinistes. Donc, il fallait voir un peu comment ils pensaient avant de s'adresser à eux. Et ça aussi, ça a été une assez grande déception parce que beaucoup de nos amis étaient carrément pétiniste et nous, enfin mes parents, qui n'étaient pas du tout parisiens, qui étaient donc de petits villages de l'Est, ne connaissaient pas, n'avaient pas de relations, ne connaissaient pas du tout les arcanes de la politique, loin de là, donc c'est un petit peu par instinct qu'ils ont cherché, par exemple, qui était vraiment Pétain, comment se fait-il ? Pour eux, ils en étaient au vainqueur de Verdun, ils ne connaissaient pas. Mais mon père était fils de très petits paysans, et les militaires ne connaissaient pas du tout. Bon. Donc il a fallu qu'ils cherchent. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, les quelques gaullistes, si on peut dire, puisqu'on savait, ne connaissaient pas de Gaulle non plus, bien sûr, il a fallu qu'ils cherchent un peu qui était Pétain et ils se sont à la bibliothèque du quartier. Ils avaient trouvé, mais sûrement qu'ils en avaient entendu parler. Par exemple, je me rappelle les mémoires de Joffre dans lesquelles il y avait un portrait de Pétain qui n'était pas très favorable à Pétain. Et ils avaient su aussi, mais ça je ne sais pas comment, que Pétain faisait partie de la cagoule. Donc ça les avait un peu orientés. Et alors donc c'est ma mère qui, à force de poser des questions autour d'elle, avait trouvé une femme qui était prof de philo, je crois, quelque part, et à qui elle a dit que je cherchais à faire quelque chose d'utile et qui m'a recruté comme ça, sans me connaître. Et en fait, si on est objectif, c'était assez ridicule de recruter, parce que en fait, il s'agissait d'un réseau de l'intelligence service qui ne s'intéressait qu'aux renseignements militaires. Or, petite fille de paysan de 19 ans, vraiment, c'était idiot de recruter quelqu'un comme ça. Et moi, j'étais ravi. Parce que vous ne connaissiez pas... Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas du tout, par exemple, les grades. Pour moi, la différence entre un colonel ou un caporal, ça n'existait pas. J'ai appris depuis, mais j'étais quand même très nul. Il faut bien le dire. Mais alors finalement, ma première mission était justement comme ça, véritablement grotesque, parce qu'on m'a demandé de quelle sorte de char abritait les casernes de Vincennes. Et moi, je savais même pas distinguer un char d'une mitrailleuse. Faut voir où j'en étais. Mais j'ai quand même eu une mission faisable à mon niveau et amusante, dont je me souviens bien parce que ça a été long. Les Anglais nous ont demandé de leur indiquer avec précision quelles étaient les bases de la défense anti-avion des Allemands autour de Paris, qui avaient organisé une série de suspensions, enfin de saucisses et de ballons dans le ciel à très basse altitude pour empêcher les bombardements en rase-motte des Anglais. Alors il fallait relever les bunkers de ciment dans lesquels ils avaient installé ces câbles, et puis noter tous les signes cabalistiques qui étaient sur ces bunkers. Et on avait fait ça avec un camarade de la Sorbonne, parce que je commençais juste mes études. Et d'abord, c'était très amusant. On faisait ça en vélo. Et après, j'ai reporté tout ça avec l'aide de mes jeunes frères. Et bien sûr, on était passionnés. Et alors, pour transmettre ça à Londres, évidemment, la radio n'était pas appropriée. D'ailleurs, il y avait très très peu de postes émetteurs. On n'en connaissait pas, d'ailleurs. On ne sait pas où on se serait adressé. Et alors là, cet immense papier qui faisait un grand rouleau, je l'ai passé à mes chefs qui, à ce moment-là, faisaient traduire ce qui devait être traduit ou résumé par un angliciste, un copain. Il portait ses textes à un photographe, lequel photographe les micro-photographiait. Et les micro-photographies étaient cachées dans une boîte d'allumettes à double fond et confiées à une jeune fille ardente anglophile qui était, je crois, la fille du peintre Picabien. Elle allait jusqu'à Lisbonne pour confier ses photos au consulat d'Angleterre. C'était pas simple, comme. Je suppose qu'après, ça c'était en 41, hein, c'était très tôt. Donc, ils ont dû quand même se moderniser. J'espère. Là, vous décrivez un petit peu ce chemin comme ça. Est-ce que vous aviez l'impression de faire partie d'une organisation ou simplement de faire quelque chose, comme vous avez dit? Ah non, mais ça, je savais que j'étais tombé par hasard sur un truc, un, sur une organisation officielle, si je puis dire, de l'Angleterre. Et j'avais déjà un numéro d'agent, figurez-vous. J'étais fier comme tout. Les Anglais m'avaient... Les Anglais. Pas les Anglais, les gens de ce réseau. Ils m'avaient donné des dépliants en couleur sur lesquels je pouvais justement apprendre tous les grades allemands. Et puis tous les signes qu'ils portaient sur leurs uniformes, parce que une chose qui intéressait les Anglais, c'était les déplacements de troupes, par exemple. Et ben, voilà, un petit exemple de ce que pouvait faire une gamine de 19 ans. Quel rapport vous aviez avec les autres personnes de cette organisation, avec les autres résistants? J'en avais très peu, justement, parce que j'avais jamais rencontré celle qui m'avait recrutée, mais j'avais rencontré une de ses amies qui était professeure d'anglais à Buffon, au lycée Buffon. Et c'est à elle que je remettais d'ailleurs d'habitude mes papiers. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été arrêté, parce que pour ma dernière mission qui était au Havre, je devais rapporter mes papiers, mes plans, le 15 août, parce que j'étais au Havre comme monitrice de colonie de vacances. Mais je n'avais, pour rapporter ces plans, je devais téléphoner à notre grand chef qui devait être à Paris le 15 août. Mais j'avais juste ce numéro de téléphone, j'avais pas le nom du chef. Et quand je me suis trouvé juste avec ce numéro de téléphone, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais m'en tirer? Je savais même pas si lui me connaissait. Et j'ai cru malin d'aller plutôt directement chez la seule personne que je connaissais, qui était cette dame professeure d'anglais, où j'ai trouvé la Gestapo. Il y avait une souricière là qui m'accueillit tranquillement. Et ensuite, vous êtes emmené à la santé? Je suis emmené à la santé. J'ai eu là une épreuve terrible, c'est que en entrant dans une prison, il faut donner son argent, sa montre, etc. Et très, très légalement, on signe une décharge. Et j'ai vu avec horreur que sur ce registre, la signature qui précédait la mienne était celle de mon père. Et je me suis dit, eh ben voilà, il a été arrêté à cause de moi et même avant moi, et il est dans cette prison. Et très vite, les camarades, parce que la santé, c'est... On est en train de plus ou moins démolir, je crois, j'espère. On communiquait très facilement. Et les camarades m'ont tous... Enfin, j'ai tout de suite su, parce que ça se faisait autour de moi, que un beau jour, la porte de la cellule s'ouvrait et le gardien vous amenait votre fils ou votre père ou votre frère et vous disait, vous avez 5 minutes pour lui dire au revoir. Et j'ai redouté cette porte qui allait s'ouvrir pour mon père pendant un an. Et puis après, dans l'espèce de camp de transit qui était le fort de Romainville, j'ai su que mon père était là et on a eu le droit de se voir, mais dans des conditions normales, et il a été déporté pas quelques semaines avant moi. Après justement ce fort de Romainville, on vous conduit gare du Nord, vous montez dans un train, et c'est là, je crois, que vous rencontrez Germaine Tignon. Oui. Sur le chose bizarre, on a été conduite à la gare du Nord, mais pas 20 ou 25 femmes, pas beaucoup, mais quand même toutes les femmes de mon affaire, dans un wagon de voyageurs, d'une façon assez étonnante. Vous saviez déjà à ce moment-là qui elle était? J'ai tout de suite senti, parce que je l'avais beaucoup, tout à fait par hasard. Quand j'étais à la santé, j'étais au rez-de-chaussée, et j'avais dans la cellule à côté de moi deux femmes qui m'avaient demandé d'essayer de, comme ça se faisait, on cassait un carreau d'un vasistas, un petit carreau, et on parlait par là, et elle m'avait demandé de crier un appel pour trouver une des leurs. C'était comme ça qu'on faisait pour savoir si son mari était arrêté ou non, etc. Et alors j'avais crié un message dont je ne savais pas la signification exacte, mais qui était « Irène, cherche Coury ». J'avais répété ça beaucoup. On n'avait jamais eu de réponse d'ailleurs. Parce que finalement, Germaine était dans une autre section de la prison. Et Irène cherche Coury, c'était donc un... Alors en fait, Irène, il se trouve que... Donc, à ma gauche, il y avait dans cette cellule Madame Tillion, la maman de Germaine, et la sœur de Rémi, qui était un des tout premiers résistants, et c'était des Bretons. Et Madame Tillion avait choisi ce faux prénom d'Irène parce que les camarades nous disaient « Donnez surtout pas votre vrai nom, il y a des mouchards partout, etc. » Et elle avait choisi ce nom d'Irène parce que c'était une des dernières conversations qu'elle avait eues avec ses filles, qui c'était en fait toujours, comme souvent avec les Tillions, elles avaient appris un poète par cœur, elles s'étaient amusées à faire des vers de Mirliton sur ce poète. Bref, il y avait une héroïne qui s'appelait Irène. Donc Madame Tillion savait que si Germaine était par là, elle reconnaîtrait déjà ce nom. Et Coury était aussi le petit surnom d'un bébé qui était la nièce de Germaine. Mais moi, bien sûr, j'ai su ça bien plus tard, sur le moment, je n'ai pas su. Est-ce que vous vous souvenez quelle impression vous a fait Germaine Tillion la première fois que vous l'avez vue ? Oh, très très bien. Parce que c'était quand même quelqu'un de profondément original déjà, et tellement gentil, tellement... C'était la bonté même, Germaine. Et je vois que quand elle s'est installée dans notre wagon, elle a, comme ça, comme elle était, elle a tout de suite senti que les jeunes femmes qui étaient là, surtout celles qui laissaient des enfants en France, évidemment, avaient du mal à tenir. Et elle a tout de suite plaisanté. Là, si vous avez lu mon bouquin, je crois que je raconte l'histoire de son fameux petit Fennec. Vous pouvez me le raconter quand même si moi je la connais déjà. Non, elle traînait un énorme sac de jute vert, un sac comme un grand sac de 50 kilos de pommes de terre. Et dedans, il y avait toute sa documentation pour travailler à ses thèses, puisqu'on l'avait autorisé à travailler à Fresnes. Et alors, elle avait dit aux camarades, là, dans notre compartiment, que, parce qu'on était assises, hein, on a voyagé comme des princesses. Et elle leur avait dit, est-ce que vous voulez qu'on essaye de savoir où nous allons ? Parce que... Moi, j'espère parler avec nos SS de garde et obtenir ce renseignement. Alors, bien sûr, tout le monde était avide de savoir où on allait. Et elle a dit, vous savez, vous connaissez bien les Allemands, ce sont des tendres, ce sont des sentimentaux, et ils aiment les animaux, ils aiment la musique. Alors, je vais utiliser ça, et elle a sorti de son grand sac, qu'elle a trouvé tout de suite, c'est encore extraordinaire, mais elle l'a trouvé tout de suite, une toute petite photo grande comme ça, de son Fennec qu'elle avait apprivoisé. Et alors après, elle a dit, vous allez voir comment on apprivoise un sauvage. Et elle a commencé à tirer le SS, qui était un petit bonhomme pas très haut, avec un uniforme bizarre d'ailleurs. Et... elle a commencé à essayer de l'intéresser à son Fennec, évidemment sans grand succès. Et à force de patience et de douceur, il a fini par jeter les yeux sur le Fennec. Mais il ne nous a pas dit où on allait, et j'imagine qu'il ne le savait pas. D'ailleurs, on n'est pas arrivé. On nous a fait descendre à Aix-la-Chapelle, dans une petite prison très mignonne, très propre. Et où nous sommes restés quand même plusieurs jours. Oui. Avec Germaine Tillion, cette rencontre, c'est le début de quelque chose qui va durer très longtemps. Et vous racontez notamment dans votre livre l'incroyable entraide qui règne à Ravensbrück entre vous et entre toutes les personnes du camp. Est-ce que vous pouvez me parler de ce côté-là, de solidarité et d'entraide ? Oh, oui, justement, comment s'appelle-t-elle ? Laure Adler m'avait posé la question, m'a dit comment elle était organisée la solidarité au camp. Et je me rappelle lui avoir répondu, mais rien n'était organisé, c'était une solidarité spontanée et indispensable à la survie. C'était comme l'adhésion au gaullisme, ça ne se raisonnait pas, ça ne se discutait pas, ça se vivait dans l'urgence. Il fallait absolument on volait des chaussures à une copine, il fallait immédiatement essayer de lui en retrouver une autre paire. Parce que ça ne pouvait pas continuer à aller au travail pieds nus. Et si l'une aussi tombait malade, essayer de trouver quelque part une aspirine, ce qu'on arrivait à trouver, c'était aussi vital. Donc ça se faisait tout seul. Ça se faisait tout seul par très petits groupes, par deux ou trois. Germaine et moi, à nous deux simplement, on faisait déjà un groupe, mais auquel se rattachaient quelquefois quelques petites jeunes perdues et dont on s'occupait aussi. Est-ce que quelque part la résistance continuait dans le camp ? On ne peut pas dire ça, parce que de toute façon, il était strictement interdit, tout ça spontanément bien sûr, de parler de la raison pour laquelle on était là, de parler de son réseau, parce que souvent les enquêtes continuaient en France. Et il y avait dans chaque camp de concentration un bureau de la Gestapo, et on risquait d'être appelé dans ce bureau de Gestapo pour complément d'enquête. Et à Ravensbrück, nous avions un gestapiste spécialement sadique et cruel. Et c'était la terreur quand on était rappelé auprès de la Gestapo. Et jamais on ne parlait de nos affaires. À tel point que quand nous avons créé une association d'entraide des anciennes déportées de la Résistance, jamais... Quand nous nous revoyons, nous ne parlions de ce que nous avions fait pendant la guerre. C'était probablement une habitude, et c'était stupide de notre part, parce que on a manqué comme ça des récits qui auraient été très intéressants. On avait un petit bulletin, on n'avait qu'à les publier. Eh bien, ça ne nous est même jamais venu à l'esprit. Et je crois qu'aussi, il y a chez les femmes, non pas le même intérêt pour leurs propres exploits que les hommes. Les hommes adorent parler de leurs exploits, les femmes sont moins intéressées. Enfin, c'est ce qu'on a constaté. Comprendre et expliquer, c'était vital. Beaucoup de mes camarades m'ont rappelé que je leur ai à l'époque où nous étions terrassiers et où nous étions attelés à un énorme tuyau pour arroser, puis on traînait également un rouleau de pierre pour écraser les cailloux sur les routes. Et alors on était surveillés par une Aufseherin qui de temps en temps en avait marre et s'en allait. Soi-disant, il y avait des bandes rouges qui la remplaçaient. Les bandes rouges, c'était des prisonnières qui avaient l'honneur de surveiller les autres sous leur responsabilité. Alors quand les bandes rouges en question n'étaient pas des mouchardes, et ça arrivait, à ce moment-là, bon, on pouvait parler. Et j'ai profité d'une de ces occasions où nous avions des bandes rouges qui étaient de connivence avec nous pour leur faire une conférence où je leur expliquais comment fonctionnaient les camps de concentration, la différence qu'il y avait entre le camp d'extermination et le camp dit de travail, que finalement, dans le camp d'extermination, il faut quand même travailler, sans ça, il ne rapporte rien. Et dans le camp de travail, il faut quand même mourir. Parce que, bon, il n'y a pas d'autre solution. Et rien d'autre à en faire. Alors j'expliquais ça tout en détail. Toutes mes camarades m'ont dit qu'elles avaient été absolument enchantées de ce que je leur avais expliqué. Parce que c'est vrai que pour l'être humain, ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Nous allions donner un menton sur un message de London. Nous fournissions de gros canons aux maquis en révolution. De pâte molle et de crayon qu'ils aient sauté des tas de maisons. Nous nous disions pas vu, pas pris. C'était pour ça que vous êtes ici. C'était pour ça que nous sommes ici. NN, ça veut dire sûrement quelque chose. Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Nous ne sommes pas ce que l'on pense, nous ne sommes pas ce que l'on dit. Le secret de notre existence, la Gestapo ne l'a pas dit. Un extrait de Fairfourbar aux enfers. Une opérette écrite clandestinement par Germaine Tillion en octobre 1944 à Ravensbrück et dont le manuscrit a été déposé au musée de la résistance et de la déportation de Besançon par Anis Postel-Vinet que nous retrouvons avec Amélie Perrault dans le cours de l'histoire sur France Culture pour un entretien inédit enregistré en 2015. On a parlé de la solidarité dans ce camp et une des personnes, vous le racontez justement dans le livre, envers qui cette solidarité s'est exercée, c'est Geneviève de Gaulle. Que vous rencontrez aussi. Ah oui, quand on l'a tiré des pattes de cet affreux atelier où elle était. Oui, oui, oui. C'est loin, mais par exemple, Geneviève, je la connaissais très peu, je la connaissais un peu, bien sûr. D'abord, quand elle est arrivée au camp, on lui a demandé tout de suite de nous faire une conférence sur la personnalité de ce De Gaulle que personne ne connaissait. On l'a installé debout sur un tabouret, dans la salle d'eau. Malheureusement, c'était moi qui faisais le guet, donc je n'ai pas bien entendu. Et donc je l'avais vu là, et quelquefois on montait au travail ensemble, mais je la connaissais très peu. Mais elle a été libérée avec une Américaine, d'ailleurs, un peu avant nous, ce que je suppose que Himmler a dû la renvoyer en France pour bien marquer qu'il avait respecté la vie de Geneviève. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait pénétrer au cachot, la pauvre, c'était pas très agréable, pour pas qu'elle meure dans un coin du camp, pour être sûr de l'avoir sous la main, quoi. Et alors, quand Geneviève est arrivée en Suisse, parce qu'elle a... Il y a eu encore des négociations interminables à la frontière suisse. Elle a été chez son père, qui était consul de France à Genève. Et elle était dans un état de fatigue et de maigreur effrayant. Et en voyant son propre état, elle a pensé qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les femmes qui revenaient de là. Bon. Beaucoup avaient des santé complètement démolies. Et avec une dame suisse qu'elle connaissait pas d'ailleurs, qu'elle a rencontrée sur un quai de gare, elles ont décidé de faire venir en Suisse des femmes malades pour les aider à reprendre vie. Et dans l'état de fatigue où elle était, elle a commencé à faire des conférences en Suisse pour récolter de l'argent. Et là, il y a un maillon qui me manque, mais je ne comprends pas pourquoi on m'a demandé de l'accompagner. Et pourtant, je n'étais pas en Suisse, moi je suis rentré par la Suède. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Surtout que Geneviève était très grande fille, elle avait besoin de personne pour l'aider. Alors on a commencé à voyager en Suisse romande, d'organisme en organisme qui organisait ces conférences. Et là, on nous donnait toujours une chambre pour deux, ou quand on nous hébergeait. Et comme quand on rentrait de camp, on pouvait absolument pas dormir les premières semaines, on parlait toute la nuit. Donc on s'est très très bien connus à ce moment-là. Et comme nous sommes de l'Est, parce que mon grand-père avait une petite ferme à la frontière suisse, je me rappelle avoir ramené Geneviève à la maison en Franche-Comté, là. Et elle a d'ailleurs... Enfin, c'était un courage fou de se lancer là-dedans, dans l'état où elle était. Encore moi, j'étais mieux. J'étais plus solide qu'elle. Bon, c'est comme ça qu'on s'est connus. Quant à Germaine, elle était tellement proche de moi que c'était comme ma famille. Et alors, on s'est mariés assez vite, Geneviève et moi, et c'était comme maintenant, en pire d'ailleurs, c'est qu'on pouvait, on n'avait pas de logement, on pouvait pas trouver de logement pour se marier. Alors, ça a été très drôle pour moi parce que Germaine avait, on lui avait une vieille copine ethnologue, Mademoiselle Cusigny, je crois elle, qui, elle travaillait sur l'Indochine. Et après la guerre, elle était repartie en Indochine en confiant la clé de son studio à Germaine. Alors Germaine me disait, mais tu sais, vous pouvez vous installer dans le studio de Mademoiselle Cusigny. Je lui disais, mais c'est peut-être un peu délicat. Ah non, non, non, nous sommes très bonnes amies. Alors Germaine m'a repeint en bleu ciel le studio de Mademoiselle Cusigny. Et nous, c'est là que nous avons habité au début de notre mariage. Et tout était comme ça, on partageait tout, hein. Les difficultés, bon, voilà. Et ça a été comme ça jusqu'à la mort de ces deux vieilles et chères amies. Je reviens un tout petit peu en arrière avant de parler plus avant de l'après-guerre. Est-ce que vous vous rappelez de votre 8 mai 1945 ? Oh, je m'en souviens. C'était affreux. C'était affreux parce que on allait rentrer. Qu'est-ce qu'on allait trouver comme famille ? Et qu'est-ce qu'on allait dire aux familles de toutes celles qui étaient mortes ? C'était terrible. Intellectuellement, on était contents, mais en fait, on ne l'était pas. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ? Oh ben non, vaut mieux foncer. Je voudrais du coup vous parler un petit peu de ce qui s'est passé après la guerre. Est-ce que vous avez tout de suite ressenti le besoin de raconter, de témoigner de ce qui s'était passé ? D'abord, je m'étais juré de le faire parce que à un moment spécialement tragique du camp, je me suis dit, il faudra vraiment, jusqu'à notre mort, il faudra essayer de faire comprendre jusqu'où peut descendre et continuer de creuser le mal. La puissance du mal est une chose qui nous a vraiment frappé. Et je m'étais dit que, je m'étais juré, sincèrement, qui me tourmente encore, c'est pour ça que je suis là avec vous, à parler de choses que j'aime pas. Mais on n'a pas pu beaucoup le faire au début, parce qu'on n'avait pas de mots. Et parce qu'on ne pouvait pas non plus continuer à blesser notre pauvre famille. Il valait mieux pas trop en parler. Mon frère avait été aussi déporté. Et je pouvais parler avec mon frère parce qu'on parlait la même langue. Si on revenait, tout le monde était terriblement blessé par les morts qu'il y avait dans chaque famille. Nos familles étaient décimées quand même. Et ce qu'on avait toujours redouté, c'est-à-dire, qui manquerait quand on se retrouverait, ben voilà, il en manquait. Alors on hésitait quand même à agiter ça. Et eux, de leur côté, ils voulaient pas trop nous interroger non plus, pour pas justement pour diminuer la souffrance. Ce livre que moi j'ai pu lire, il sort 70 ans après la fin de la guerre. Pourquoi aujourd'hui? Écoutez, c'est parce que moi je voulais. On m'a souvent demandé d'écrire un petit peu ce que j'avais vécu, mais moi je travaillais dans ces sujets-là avec Germaine Tillion, on travaillait plutôt sur des problèmes généraux ou sur des choses que nous étions un peu les seuls à connaître, mais on racontait pas notre propre histoire qui, d'ailleurs, n'avait qu'un, par exemple la mienne est très banale et j'avais rien de très spécial à raconter. J'ai même pas, moi, j'ai passé longtemps à Ravensbrück, près de 2 ans. Eh bien, j'ai reçu en tout et pour tout un coup. J'ai jamais été battu, par exemple. C'est assez exceptionnel et bon, c'est comme ça. Donc, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt à être raconté. Puis après, le temps a passé et figurez-vous que plus le temps passe, au lieu que toutes ces histoires-là s'oublient et s'estompent, c'est juste le contraire. Plus on va et plus les traces se creusent. C'est inattendu, mais c'est comme ça. Donc, on ne tient pas à le faire. Voilà. Après la fin de la guerre, je change un petit peu de sujet pour revenir plus particulièrement sur la résistance, notamment sur l'héritage de la résistance et le Conseil national de la résistance. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus? Parce que vous, en tant que résistante, est-ce que vous aviez vraiment conscience de faire partie de quelque chose qui pourrait laisser un héritage aussi grand? Écoutez, pas du tout, en tout cas, juste au début. Peut-être qu'à la plus tard, les choses, d'abord peut-être que l'information a mieux circulé, puis ça a concerné de plus en plus de gens aussi. Et bon, les gens devaient en parler. Par exemple, ma mère qui était une enragée, qui était la plus enragée d'entre nous et qui n'a jamais été arrêtée. Je crois qu'elle avait connu quelqu'un comme Claude Bourdet et elle avait vu quand même la réorganisation du pays, elle avait dû en parler, mais nous, au départ, on faisait du renseignement militaire et on pensait pas, surtout nous les femmes, hein, parce que les hommes étaient plus portés sur la politique, mais nous, on n'en parlait pas, on se reprochait au contraire de n'être pas intervenu en politique au moment où on aurait dû lutter contre le nazisme. On ne l'avait pas ou peu fait, et ça, on se le reprochait. Mais à mon époque, on ne savait pas du tout. Bien sûr, on n'a rien su des histoires de Jean Moulin, Brossolette, tout ça. C'était totalement inconnu pour nous. Oui. Le programme du Conseil national de la résistance, c'est un texte qui est révolutionnaire par énormément d'aspects. Il y a quand même des oubliés, c'est les femmes, puisque la condition des femmes devait figurer dans ce texte et finalement n'y figure pas. Quels étaient les rapports entre les hommes et les femmes au sein de la résistance? Quel regard vous avez-vous sur cette question? Moi, je n'en sais rien, parce que moi j'étais un minuscule petit pion dans un groupe où tous les gens avaient au moins 10 ans de plus que moi. Après, ça a beaucoup changé comme public, parce que à partir de l'AMI 44, ou même avant, parce que l'AMI 44 c'est déjà le débarquement, on a vu arriver à Ravensbrück par exemple des quantités d'étudiantes de mon temps. Les premières résistantes en France, figurez-vous, c'était les femmes du Nord, les femmes de 40 ans. C'était ça. Et avec d'ailleurs cette fameuse communiste qui s'appelait Martha Desrumeaux, qui dirigeait la CGT, je crois, de tout le Nord. Mais des femmes qui avaient de 20 ans de plus, exactement. Et alors, il y avait quand même quelques jeunes, bien sûr, mais après, par exemple, un mouvement comme Défense de la France, c'était presque exclusivement étudiant. Tandis qu'un mouvement comme l'OCM, l'Organisation civile et militaire, c'était que des adultes, au contraire. C'était une organisation assez puissante. Et donc, civile et militaire, c'est-à-dire qu'ils pensaient, par exemple, un garçon comme mon beau-frère, qui était Pierre Le Faucheux, il était à la fois dans une commission où il préparait l'avenir, et en même temps le chef militaire de la région parisienne. Mais moi, personnellement, pas du tout. Vous, après la guerre, vous êtes marié, vous avez eu des enfants. Après, vous êtes engagé à 18 ans et avoir eu soif d'aventure, finalement, vous avez choisi une vie plus traditionnelle. Une vie popote. C'est pas ce que oui, j'ai dit. Absolument. Non, parce que moi, on n'avait qu'une idée, c'était d'avoir une vie tranquille, de se marier, d'avoir des enfants. Et c'était une époque, d'ailleurs, en 1945, où les femmes ne travaillaient pas avec furie comme elles travaillent maintenant. Il n'y avait pas encore beaucoup de femmes qui travaillaient. Et on militait dans des associations, mais on défendait des causes, mais c'était nos maris qui gagnaient, qui étaient souvent des petits ou des gros fonctionnaires, qui gagnaient la vie pour tout le monde. Quand je dis ça aux jeunes, ça les fait rigoler. Ce programme du Conseil national de la Résistance, il s'appelait Les Jours Heureux. Et vous terminez votre livre sur une note assez pessimiste. Vous dites, vous écrivez que vous êtes pessimiste aujourd'hui. Oui, je suis très. Oui, bah. Pourquoi ? J'ai peut-être tort. Ben, parce que je vois, si on avait su au camp, tous les conflits et toutes les cruautés qui se sont déroulées depuis 1945, je me demande si on aurait eu autant de courage, si on avait su que c'était là, à cette société-là, qu'on allait aboutir. Écoutez, parce qu'il y a quand même là, dans une courbe descendante effrayante, effrayante. Et tout ça, pas dans le monde, avec à la tête de notre pays des politiciens d'une médiocrité dont on n'a pas idée. Et pour me consoler, je pense toujours à ce qu'on nous apprenait à l'école sur vous rappelez les vaches maigres et les vaches grasses de l'Égypte. Rappelez, vous n'avez pas eu ça? On nous racontait que tous les 7 ans, il y avait une sécheresse ou il y avait un changement de climat. Et que pendant 7 ans, tout le monde tirait la langue de soif et qu'après, il y avait 7 ans de prospérité. Alors je me dis qu'il y aura peut-être un cycle comme ça dans notre monde. Mais regardez ce drame et ce problème apparemment insoluble des flux migratoires. C'est quand même effrayant, et ça concerne la totalité de la planète. Non, c'est. Mais je me dis, comme dans toute situation, il y a toujours probablement un petit coin d'espoir. Mais pas gros. Quand je suis arrivée tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez avant occupé à parler des entrées au Panthéon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces célébrations de la résistance de ces grandes célébrations de la mémoire. Moi, si vous voulez, quand j'ai appris qu'ils voulaient mettre mes deux meilleurs amis, finalement, au Panthéon, je me suis dit, franchement, elles sont assez trinquées comme ça, elles sont si bien dans leur petit cimetière. C'était pas très favorable, mais on me demandait pas mon avis, heureusement. Et puis j'ai une fille historienne, comme je vous le disais, qui me disait, tu te trompes, il faut se rendre compte que maintenant, cette période du nazisme, les gens ne la connaissent pas vraiment, ils ne s'y intéressent pas. Et il y a même dans les milieux universitaires, elle me dit, tant en France qu'en Allemagne, parce que finalement, elle s'est, peu à peu, c'est assez drôle, elle s'est spécialisée dans justement l'époque du nazisme. Et elle me dit, il y a quand même un espèce de mouvement, peut-être pas franchement hostile, mais d'un peu marre, de mauvaise humeur. Et elle me dit, il n'y a plus que l'État et les communistes qui parlent de la résistance. Donc, c'est une bonne chose. Et puis c'est une bonne chose aussi, parce que comme elle est très féministe, qu'il y ait enfin des femmes illustres qui sont allées rejoindre. Et vous, maintenant, vous êtes d'accord avec votre fille ? Eh ben, oui, je trouve que son raisonnement a un sens et que je me suis faite à l'idée qu'il y ait cette cérémonie qui, entre nous, est un peu ridicule. D'abord, on dit les cendres, mais finalement, on brûle pas les corps ou ce qui reste des corps. Alors ils vont faire un micmac de terre de cimetière qu'ils vont mettre dans des boîtes ou dans des cercueils. Tout ça est un peu primitif. Enfin. Et vous êtes d'accord avec votre fille sur la nécessité de parler de la résistance et sur la question de toute femmes. Façon, moi, j'ai pas le choix puisque je me l'étais juré. Je suis donc obligé de continuer jusqu'à mon dernier souffle. Mon seul problème, c'est que je sais pas si je suis à mon avant-dernier souffle ou à mon dernier souffle. C'est pas grave. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Stéphane Poitvin. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Amélie Perrault, donc que je remercie encore de nous avoir apporté cet entretien. Une émission préparée par Anne Toscan-Viodès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, que je remercie aussi. La semaine prochaine, dans le cours de l'histoire, témoigner de son temps par ses écrits intimes, par sa correspondance ou par son journal, des frères Goncourt à Madame Roland, des lettres de soldats pendant la guerre à celles des civils. Comment ces documents nous parlent de leur temps? À la semaine prochaine.